Audiomatique. C'est avec la formation suédoise Covenant que nous lancions cette transmission 115 d'Audiomatique En plus d'ouvrir la transmission de ce soir, la pièce These Irae introduit le tout nouvel album de Covenant intitulé The Blinding Dark. À ce qu'il paraît, c'est l'intention qui compte. Peu importe le geste, peu importe la parole, peu importe la conséquence, c'est toujours l'intention qui compte. Nous, les électronistes, nous ne nous en remettons jamais aux intentions. Nous assumons. Nous assumons chaque geste, chaque parole, chaque conséquence, peu importe les intentions. Audiomatique n'est pas basé sur les intentions. Même si derrière les entités sonores qui façonnent chaque transmission d'audiomatique, il y a les intentions des artistes qui les ont composées, les électronistes ne les cautionnent pas ni ne les dénigrent. Nous laissons toute la place à l'œuvre, quelles que soient ses influences, son message ou l'intention du créateur. En fait, la seule intention avouée des électronistes est de rendre Audiomatique indépendante de toutes intentions, même de la vôtre, c'est-à-dire l'intention de nous écouter. Audiomatique, nous terminions cette courte séquence avec le duo canadien Junior Boys et la chanson Teach Me How to Fight de leur premier album Last Exit, paru en 2004. Et pour débuter, nous entendions la pièce Return of the Heretic du projet Badawi, l'incarnation musicale de Raz Messinaï, artiste né à Jérusalem mais qui a grandi à New York. La musique de Badawi est clairement inspirée par la culture moyen-orientale à laquelle il insuffle subtilement des éléments empruntés à la musique électronique. Sa composition « Return of the Heretic » est tirée de son troisième album « The Heretic of Ether » lancé en 1999. C'est le projet de Thing with Five Eyes qui condamne la suite Audiomatique. Thank you. ouvimos pra tanta tristeza. Deixemos de coisas, cuidemos da vida. Se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta, moças, sem ter visto a vida. Deixemos de coisas, cuidemos da vida. Se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta, moças, sem ter visto a vida. Une reprise que nous offre le projet Isa Doceur, une pièce de l'artiste brésilien Antonio Carlos Belchior, soit la pièce Na Hora do Almoço, composée originalement en 1974. La version actualisée que nous offre Isa Doceur, le projet de la brésilienne Isadora Otoni, paraît sur l'album Devaneo, produit par le net label Casa Chaos. Avant cela, c'était une composition de la nouvelle parution de Future Sound of London, soit Hollow Earth, qui se trouve sur l'album Environment 6.5, qui est le complément de son album jumeau, mais à la personnalité différente, appelé Environment 6. Et cette différente appelée Environment 6. Et c'était pour débuter The Thing with Five Eyes, projet de l'artiste hollandais Jason Conan, mieux connu sous son autre projet Bangra. La pièce que nous écoutions, The Thing with Five Eyes, se nomme Live at the Nocturnus et est disponible uniquement sur la compilation Frequencies of the Mind Volume 3, produite par l'étiquette de disque Mind Trick Records. Poursuivons cette fois à Audiomatic avec le projet américain 16 Volt. We'll be right back. Il s'agissait à Audiomatic du duo suédois Coop et la chanson Absolute Space, ici remixée par le collectif allemand Jazzanova. On peut retrouver cette version, entre autres, sur l'album compilation de Jazzanova, The Remixes 1997 à 2000. Et la version originale de la chanson est parue sur le premier album de Coop, soit l'album Sons of Coop. Précédemment à Coop, nous avions droit au duo américain Fisher Spooner et la pièce L.A. Song parue sur leur premier album simplement intitulé Number One. Et en amorce de séquence, nous entendions le projet 16 Volt mené par Eric Powell et sa composition Skin Graft de son deuxième album Skin, paru en 1994. Les derniers sons de la transmission d'Audiomatic proviendront du projet de Travel, qui nous interprète sa pièce Burned Wood, tirée de son seul album intitulé Nyctophobia. Les électronistes vous remercient d'avoir fait perdurer votre intention d'écouter cette transmission 115 jusqu'à la fin. Nous avons la ferme conviction d'être de retour en ondes mercredi prochain à compter de 17 heures, pour vous présenter la transmission 116 d'Audiomatic. Nous vous rappelons que vous pouvez intentionnellement ou non écouter toutes nos anciennes émissions qui sont disponibles au facebook.com/audiomatic-cfou et au mixcloud.com/audiomatic. Voici The Travel et Burned Wood. Bonne semaine. Thank you.